franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Satrape, homme puissant et despotique, personne qui mène grand train. Si j'en juge par le petit Robert, la définition du mot « satrape », souvent associée à ce personnage, s'adapte parfaitement à Ramzan Kadyrov, maître absolu de la toute petite Tchétchénie. Un dictateur cruel et mégalomane qui sait attirer dans son pays, comme le miel attire les mouches, quelques gloires fatiguées du football international, telles Maradona, Papin, ou des vedettes de cinéma comme Depardieu ou Van Damme. Mais il faut dire qu'on ne repart pas de Grozny sans un chèque avec beaucoup de zéros. Avec M. X, nous avons souvent parlé de la Tchétchénie qui a joué un rôle disproportionné, étant donné sa taille, dans l'histoire contemporaine de la Russie. Rappelons simplement que Vladimir Poutine doit son arrivée au pouvoir en 1999 à la deuxième guerre de Tchétchénie, un conflit qu'il a souhaité et même sciemment provoqué. Aujourd'hui, c'est donc Ramzan Kadyrov qui règne sans partage à Grozny grâce au parrainage bienveillant du tsar du Kremlin. Et si apparemment la capitale tchétchène a spectaculairement pansé les plaies de la guerre et s'est même donnée en son centre des allures de Dubaï, elle le doit aussi à un système policier implacable qui fait fi des droits de l'homme. Et dans une région, le Caucase, qui reste un chaudron prêt à exploser à tout moment, il faut aussi s'interroger sur l'islamisation à bride abattue de la société tchétchène. Une évolution que Kadyrov a érigée en mode de gouvernement, alors même qu'à Moscou, son maître Poutine ne cesse d'assimiler islam et terrorisme. Dans un instant, la suite avec Monsieur X. Суки, бляди! Come on, everybody! Двигай жопы, суки, бляди! Ща-ща-ща, yes! Еще не колбасишься, надо колбаситься. И вот моя рука. Come on, everybody. Двигай жопы, суки, бляди. Come on, everybody. Двигай жопы, суки, бляди. Rendez-vous avec X. Les gens qui ont voyagé à Grozny au début des années 2000 et qui retournent aujourd'hui n'en reviennent pas. Là où les chars et les canons avaient tout détruit, s'élèvent des tours, des hôtels, des palais entourés de jardins. Les ruines ont laissé place à une ville moderne, souriante, une vraie carte postale. Une sorte de miracle. En tout cas, l'impression que ça donne, car la métamorphose a été opérée en un temps record. Alors, l'explication ? Les roubles. Un fleuve de roubles qui est venu irriguer la Tchétchénie. C'est Moscou qui finance à 90% l'économie tchétchène. Un financement à fond perdu ? Non. Si Poutine veut faire de Grozny une sorte de vitrine alléchante du Caucase, c'est que le maître du Kremlin a de grandes ambitions pour la région. Mais j'y reviendrai. Pourtant, le Caucase continue à être ravagé par le terrorisme. Un seul chiffre. En 2010, on a recensé 900 attentats dans le Nord-Caucase. Des attentats perpétrés par des islamistes radicaux. Des wahhabites, comme on les nomme à Moscou ou à Grozny. Et même dans cette Tchétchénie, apparemment reconstruite et pacifiée, les opposants armés n'ont pas dit leur dernier mot et continuent à tenir des pans entiers de la montagne. Mais il ne faut pas en parler. Pour Kadyrov, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes tchétchènes. Ouais, les apparences d'abord. Et comme le satrape dispose à sa guise de la tirelire tchétchène, il ne manque jamais une occasion d'organiser de grandioses fêtes destinées à glorifier sa modeste personne. Un exemple. En mai 2011, pour l'inauguration en grande pompe du nouveau stade de football de Grozny, baptisé du nom de son père, Akhmad Kadyrov, il organise un match amical entre l'équipe du Caucase et une formation internationale rassemblant Maradona, Barthez, Papin et Baresi. Et si je me souviens des images, Kadyrov lui-même est entré sur le terrain. Avec un menteur tel que Poutine, il est à bonne école. Avant le match, les 30 000 spectateurs ont pu assister à un show féerique de 3 heures, avec danse et mélopées caucasiennes, prestations de chanteurs occidentaux sur le retour, comme Toto Cutugno, discours enflammés et feux d'artifice. Ouais. Et le match lui-même, d'après ce que j'ai lu à l'époque, a été assez lamentable. Hein. Ah oui, on a vu un Maradona alourdi et fatigué qui s'est traîné sur le terrain. Bref, ces anciens internationaux n'ont pas offert un grand spectacle. Mais ils ont quand même eu la politesse de laisser gagner leurs hôtes. J'ajoute que tous sont repartis avec des chèques faramineux et de luxueux cadeaux. 2 mois plus tôt, Kadyrov s'était déjà offert un match amical contre des ex-stars brésiliennes comme Rai, l'ancien capitaine du PSG. Celui-ci a raconté sur son blog avoir reçu 215 000 euros. On comprend mieux pourquoi tous ces anciens footballeurs font le voyage. Kadyrov dépensera donc sans compter pour ses exhibitions footballistiques. Mais c'est qu'il a aussi une idée derrière la tête. Il rêve que Grozny soit l'une des villes hôtes du Mondial 2018 organisé par la Russie. Et ça n'est pas impossible quand on songe aux rapports étroits qu'il entretient avec Poutine. Mais il n'y a pas que le football. À l'égal d'un monarque, Kadyrov donne de grandes fêtes à chacun de ses anniversaires. Je sens qu'on va parler de Gérard Depardieu. Depardieu qui était effectivement présent à Grozny en octobre dernier et qui a cru bon de lancer au micro un retentissant « Gloire à Grozny, gloire à la Tchétchénie, gloire à Kadyrov ». Mais il n'était pas seul. L'autre invité de marque était l'actrice italienne Ornella Muti, qu'on a vue danser avec Kadyrov. Mais foin de toutes ces notes folkloriques qui masquent une réalité inquiétante et nombre d'exactions des forces de l'ordre à la solde du satrape. Vous êtes fâché, là. Un peu d'histoire, d'abord, même si nous en avons déjà parlé. Depuis quand Kadyrov dirige-t-il la Tchétchénie ? Dès son élection à la présidence de la Fédération de Russie en 2000, Poutine nomme à la tête de la République tchétchène un mufti qui a été autrefois l'un des meneurs de la rébellion, Akhmad Kadyrov. Oui, mais ce rebelle s'est soumis à Moscou. Hein. Et ici, il faut le rappeler que le Kremlin a toujours soutenu que la Tchétchénie était partie intégrante de la Russie. Hein. Oui, depuis la conquête coloniale du 19e siècle, après une longue guerre. En tout cas, la nomination de Kadyrov, père, cet ancien rebelle, ne met nullement un terme à la Deuxième Guerre et à ses effets collatéraux, les actes terroristes. En Tchétchénie même, mais aussi sur le territoire russe, vous n'avez certainement pas oublié la spectaculaire prise d'otage dans le théâtre moscovite de la Dubrovka en 2002. Oui, surtout la prise d'assaut par les forces de l'ordre qui a suivi. Hein. Une intervention particulièrement meurtrière puisqu'on relèvera 130 morts, spectateurs et preneurs d'otages mélangés. Mais il y aura beaucoup d'autres attentats. Un peu plus tard, en 2003, Moscou organise un référendum pour le moins controversé qui consacre, avec un taux d'approbation quasi-soviétique, l'appartenance inaliénable de la Tchétchénie à la Russie. Puis, à la fin de cette même année, l'homme de Moscou, Kadyrov, père, est élu président à l'issue d'une élection entachée de nombreuses irrégularités. Mais ce n'est pas pour autant la paix. Hein. La preuve, c'est qu'en mai 2004, Kadyrov est tué dans un attentat. Et c'est son fils qui lui succédera un peu plus tard. Ramzan, un tout jeune homme qui gouverne comme un chef de bande, fort d'une milice, qui comptera jusqu'à 5000 hommes et qui va peu à peu imposer sa loi dans un pays qui tente, tant bien que mal, de se reconstruire. Mais son ascension ne s'est pas faite sans quelques résistances, à l'intérieur même de son propre camp. Quel âge a-t-il lorsque son père est tué ? 28 ans. À Moscou, Poutine hésite. Ce jeune Kadyrov lui paraît bien peu expérimenté et pour tout dire un peu rustre. Un soudard, quoi. C'est à peu près ça, oui. Donc, dans un premier temps, Kadyrov Junior est seulement nommé vice-premier ministre de Tchétchénie. Ouais. Poutine veut d'abord voir comment il se débrouille. Et il installe un président intérimaire, un policier de carrière, Alou Alkanov. Toutefois, il est bien entendu que ce personnage doit garder le fauteuil au chaud pour le fils Kadyrov. Cependant, exercer la présidence, même par intérim, ça peut donner des idées. Et c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus vrai que les rapports entre les deux hommes tournent allègre. Fin 2005, le conflit est même ouvert entre Alkanov et le jeune Ramzan. Bref, cet ancien policier se verra bien calife à la place du futur calife. À l'été 2006... Alkanov réunit secrètement quelques comploteurs autour de lui. En fait, il s'agit de trois chefs de guerre pro-russes. Deux d'entre eux dirigent chacun un bataillon affilié au GRU, le service de renseignement de l'armée. Le troisième, Movladi Baïsarov, est un criminel reconverti en chef d'une unité spéciale du FSB. Le FSB, il faut le rappeler, c'est le service de sécurité intérieure de la Russie. Et c'est l'héritier direct du KGB, oui. Ce qui unit ces hommes, c'est leur haine de Ramzan Kadyrov. Et qu'envisage-t-il alors pour se débarrasser de lui ? Alkanov doit décréter l'état d'urgence et ses compagnons en profiteront pour éliminer Ramzan et neutraliser les unités qui lui sont fidèles, c'est-à-dire à l'époque 200 à 300 hommes armés. Mais ce plan va échouer. Des trahisons ? C'est possible. Et puis n'oubliez pas que le FSB était entièrement dans les mains de Poutine. Il n'est donc pas exclu que celui-ci n'ait pas apprécié qu'un homme de ce service complote contre un dirigeant qu'il avait choisi. Quoi qu'il en soit, Baïsarov a très vite pris conscience du danger. Il a fui à Moscou. Mais lâché par le FSB, il a été liquidé par des hommes de Ramzan lors d'une fausse arrestation en plein centre-ville. Une véritable exécution. Bien entendu. Ouais. Et les autres ? Échaudé, Alkanov s'est dégonflé et a abandonné ses autres alliés. En février 2007, il a fini par démissionner et s'est réfugié, lui aussi, à Moscou, où on lui a offert un poste de vice-ministre de la Justice. Mais Kadyrov, pour bien lui montrer qu'il n'ignorait rien du complot qu'il avait ourdi contre lui, a fait assassiner l'ancien chef de sa garde personnelle. Et en même temps, Ramzan Kadyrov est nommé président de la Tchétchénie. À l'âge de 30 ans, donc. Mmh. Et les autres comploteurs ? Vous avez compris que Kadyrov n'était pas du genre à pardonner les offenses. Donc pendant une année entière, il s'est donné pour tâche prioritaire d'abattre tous ceux qui avaient trempé dans la conjuration. L'un d'entre eux, Soulim Yamadayev, dont le frère avait déjà été éliminé à Moscou, pas loin du Kremlin, a trouvé refuge à Dubaï. Mais les tueurs ont fini par le rattraper et il a lui aussi été assassiné. Ouais. Poutine a donc laissé faire. Bien entendu. Après tout, le maître du Kremlin a peut-être estimé que Kadyrov faisait ainsi ses classes. Et prouvait ses aptitudes à diriger son pays. C'est probable. Et de son côté, Kadyrov, fort du soutien de Poutine, pouvait légitimement se sentir invulnérable. Visite de Grozny avec Jonathan Little, l'auteur des Bienveillantes, décrit avec humour et lucidité la capitale tchétchène. Plus loin, au fond de l'avenue, en face du monument en bronze à Kadyrov père, tout récemment démonté en grande pompe, apparemment pour contrer les accusations d'idolâtrie lancées par les islamistes, se dresse, entourée de fontaines et de gazon, la pharaonique grande mosquée de Grozny, la copie de la mosquée bleue d'Istanbul, construite entièrement en marbre et décorée à la main par une armée d'artisans turcs. Un peu plus bas brillent de tout leur feu les bulbes dorés de la cathédrale orthodoxe reconstruite par Ramzan dans un esprit de parfait écuménisme, alors même que l'on continue à chasser ou assassiner les rares civils russes qui persistent à vouloir vivre en Tchétchénie. Et de l'autre côté, tout en haut de l'avenue se dresse de nouveau, entièrement refaite, l'hideuse statue des trois révolutionnaires du coin, un géorgien, un ingouche et un tchétchène, celle que les locaux appellent les trois imbéciles, à côté d'une grande terrasse de café sous chapiteau. Ce texte est extrait de Tchétchénie en trois, publié par Folio. Il n'a donc pas fallu longtemps à Kadyrov pour consolider son pouvoir. Alors, voyons d'abord quels sont les grands axes de la politique de Kadyrov et sur quels piliers il s'appuie. Le premier d'entre eux, c'est le soutien de Poutine. Hein. Naturellement. Kadyrov le sait tellement bien qu'il multiplie les marques d'allégeance à l'égard de celui qui tient son destin dans ses mains. Et ça confine parfois au ridicule ou à la pure et simple flagornerie. Et par exemple ? En août 2010, Kadyrov a décidé qu'il ne se nommerait plus président de Tchétchénie, car il n'y avait qu'un seul président en Russie, c'était celui de la Fédération. Oui, Vladimir Poutine. Par conséquent, il a choisi à la place le titre de chef de la République, ou bien encore chef de tous les Tchétchènes du monde. Ah oui, pas moins. Mais au Parlement de Grozny, tout acquis à sa cause, des députés lui ont proposé le titre de père de la nation, ou d'imam de Tchétchénie. Mais au Kremlin, on a fait la grimace, imam. Ça rappelait Chamil, l'imam Chamil, qui a passé un quart du 19e siècle à combattre l'Empire russe. L'initiative était donc plutôt malheureuse. D'autant que Kadyrov lui-même ne pouvait pas ignorer qu'au sein de la Fédération de Russie, le sentiment anti-caucasien ne faisait que progresser. Ouais, une véritable réaction xénophobe. Hein. Qui s'exerce dans la blanche Russie contre tous les peuples du Sud. Ouais, les bronzés, en somme. Et à cela s'ajoutait le fait que les Russes n'acceptaient guère l'arrosage financier de Poutine sur cette région, et notamment sur la Tchétchénie. Ouais, 90% du budget tchétchène, avez-vous dit. Hein. C'est-à-dire 250 milliards de roubles, soit 6 milliards d'euros en 2011. En échange, Kadyrov a mis en place une milice à ses ordres de près de 25 000 hommes, afin de garantir l'ordre en Tchétchénie. Oui, donc de décharger Moscou de cette tâche. Ah, qui lui incombait depuis le déclenchement de la Deuxième Guerre en 1999. Et nous allons voir avec quelle terrible efficacité Kadyrov et ses sbires accomplissent cette besogne. Alors, avant d'y venir dans le détail, je poursuis. L'argent vient donc essentiellement de Moscou. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que Poutine soutient Kadyrov comme la corde soutient le pendu. Le jour où le maître du Kremlin, pour une raison ou pour une autre, le lâchera, il en sera vite fini de son pouvoir, et peut-être même de sa vie. Mais pour l'instant, aucun signe n'indique que Poutine l'abandonnera. Hein. Bien au contraire, car Kadyrov est certainement l'une de ses cartes politiques les plus sûres dans le Nord-Caucase, travaillée à la fois par le nationalisme et l'islamisme. Ce qui ne veut pas dire que le satrape n'inspire pas parfois des inquiétudes au Kremlin. À propos de quoi ? Son insatiable cupidité. Kadyrov contrôle tous les flux financiers en Tchétchénie. La République est devenue sa propriété. Il a mis au point un savant système de corruption. Et s'il arrose abondamment ses fidèles, il rackette littéralement la population tchétchène. Mais il agit avec une relative habileté, car il n'utilise pas tout l'argent qu'il estorque ou détourne pour satisfaire ses seuls caprices. Il équipe la Tchétchénie en route, en hôpitaux ou en construction de prestige. Eh, hey, ça se voit, hein. Hey, c'est l'essentiel. Ça permet de faire passer la pilule, si vous me permettez cette expression. Mais ça ne permet pas de faire oublier la terreur. Bien entendu. Toutefois, comme son maître Poutine, dont le régime évolue rapidement vers un autoritarisme inquiétant, il justifie l'action de ses hommes de main par la nécessité de lutter contre les rebelles wahhabites, qui, selon les autorités russes, sont les alliés du djihadisme mondial. Y a-t-il un fond de vérité derrière ? Oh, sans doute un peu, même si, en réalité, ces islamistes ou ces indépendantistes sont d'abord les anciens compagnons de résistance de son père. Et donc de lui-même. Bien sûr, mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il s'agit d'un cercle vicieux. En combattant ses opposants par la terreur, ceux que l'on appelle à Moscou les Bolcheviki, il génère de nouveaux ennemis et pousse de nouvelles générations à résister et à gagner les maquis qui existent toujours dans les montagnes. Ce qui justifie qu'il poursuive la répression. Évidemment. Une observation, là. D'une façon assez machiavélique, Kadyrov a obligé certains de ses combattants, indépendantistes, à rejoindre les forces de sécurité. Et donc à participer eux-mêmes à la répression. Et vous le savez bien, il n'y a pas de pire tortionnaire que les ennemis qui ont été retournés. Ouais, car ils doivent faire oublier leur trahison. Et sont d'autant plus acharnés à faire souffrir leurs anciens amis. Mais pour asseoir et consolider son pouvoir dictatorial, Kadyrov dispose d'un autre atout. La religion. L'islam, lui-même, est un fils de moufti. Oui, ouais. En Tchétchénie, traditionnellement, on pratique le soufisme. C'est un islam moins radical. Hein. En principe, oui. Parce que l'islam, à la Kadyrov, ne me paraît pas être un modèle de tolérance. Mais enfin, passons. Kadyrov a d'abord commencé par acheter les autorités religieuses officielles. Et comment, là? Il a offert des autos à chacun des imams et muftis présents lors des réunions organisées par le pouvoir. En outre, il est à l'origine d'un renouveau islamique. Et ce n'est pas innocent. Il lui faut faire pièce à la concurrence des rebelles islamistes qui se réclament de l'émir du Caucase. Oui, l'émir, c'est un émirat autoproclamé en 2007, Oumarov, c'est ça ? Qui essaie de fédérer les islamistes de toutes les républiques du Caucase. Même si depuis août 2010, des rebelles ont fait scission en déclarant qu'ils n'obéissaient plus à Oumarov, un wahhabite financé par l'Arabie Saoudite. Oui, donc pour riposter, Kadyrov a islamisé la Tchétchénie. Et ce sont bien sûr les femmes qui ont payé le prix fort. Pour travailler dans la fonction publique, elles doivent désormais porter le voile. Et Kadyrov s'est prononcé en faveur de la polygamie. Il a aussi peu à peu banni la consommation d'alcool. Enfin, pour donner l'exemple, il a payé de sa personne en effectuant un pèlerinage très médiatisé à la Mecque. La Tchétchénie est donc devenue une république islamique ? Et si Moscou le permettait, Kadyrov introduirait la charia dans le pays. Mais au Kremlin, on ne veut pas en entendre parler, même si les dirigeants russes doivent bien reconnaître qu'ils sont en pleine contradiction. D'un côté, ils condamnent le terrorisme international des salafistes qui fomentent des troubles dans le Caucase, et de l'autre, ils soutiennent un régime qui, par bien des aspects, prône le même fondamentalisme. Le grand écart, donc. Et à Moscou, on ferme les yeux sur les mesures anticonstitutionnelles prises par Kadyrov. Par exemple, le port du voile. Parce que, pour l'instant, le président tchétchène est le garant d'une certaine stabilité dans la région. Ouais, c'est parfaitement hypocrite. Hein. Je suis d'accord, mais pour Poutine, c'est le prix à payer pour réaliser les projets qui lui sont les plus chers. J'y reviens dans un instant. Auparavant, il faut bien constater que cette évolution de la Tchétchénie a été accompagnée par une criminalisation progressive du régime. Oui, si j'en juge par ce que vous m'avez raconté là, à propos de l'élimination par Kadyrov de ses rivaux, ça avait commencé très tôt. Et ça a continué. Rappelez-vous, octobre 2006, la journaliste Anna Politkovskaya est assassinée. Oui, parce qu'elle dénonçait des atteintes aux droits de l'homme en Tchétchénie. Il y a fort à parier que le vrai commanditaire se trouvait à Grozny, même si cet assassinat n'a pas dû fâcher le Kremlin, qui était aussi l'une des cibles de cette journaliste pugnace. Et vous le savez bien, si l'on a arrêté d'identifier les assassins, c'était à coup sûr des sous-fifres, de simples exécutants, mais malheureusement, ça n'était qu'un début. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Tchétchénie, une république qui s'islamise sans bruit. Tel était le titre d'un article de La Croix de 2010. Son auteur, Frédéric Lavoie, écrit ceci. Un coin de rue de l'avenue Poutine, artère principale de Krosny, des jeunes hommes en tenue islamique ample et sobre interpellent des passantes. Leur méfait, porter des vêtements jugés indécents. Nous disons aux jeunes filles qui ne portent pas le foulard ou qui se baladent en jupe courte de respecter l'islam dans les endroits publics, explique Hossein, l'un de ses gardiens de la morale. L'avertissement n'est qu'une suggestion, précise celui qui travaille pour le Centre d'éducation morale et spirituelle. Une suggestion, certes, mais faite par des employés d'une institution gouvernementale fondée il y a 2 ans par l'autoritaire chef de la République, Ramzan Kadyrov. D'autres défenseurs de la morale vont plus loin. Au cours des derniers mois, des dizaines de jeunes femmes ont été attaquées au pistolet à peinture par des inconnus en voiture en plein centre-ville de la capitale parce qu'elles ne portaient pas le foulard. Informé des attaques début juillet, Ramzan Kadyrov a affirmé à la télévision « Je ne sais pas qui sont les assaillants, mais quand je l'apprendrai, je leur ferai part de ma gratitude ». L'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya signe le début d'un cycle infernal. Alors voyons cela plus précisément. En janvier 2009, Stanislas Markelov, journaliste et avocat des droits de l'homme, est abattu à Moscou d'une balle dans la tête. Le mobile ? Markelov allait faire appel de la décision de la justice de libérer un certain Yuri Budanov, un officier russe convaincu de crimes de guerre en Tchétchénie. Il faut ajouter qu'une journaliste de Novaya Gazeta, qui se trouvait à ses côtés, est également assassinée. Et Novaya Gazeta, c'était le journal d'Anna Politkovskaya. Ce n'est donc pas par hasard si elle aussi est la victime des tueurs. Mais il me faut ensuite vous parler d'Oumar Israilov. Qui est-ce ? Ou plutôt qui était-ce, car lui aussi a été assassiné. Israilov était l'un des gardes du corps de Kadyrov. Mais en 2004, il a préféré fuir son pays. Pour quelle raison ? Il avait vu Kadyrov à l'action, si j'ose dire. Kadyrov qui n'hésitait pas à venir en personne pour voir torturer les prisonniers qui se trouvaient dans les geôles tchétchènes. Et au besoin, il donnait un coup de main. Pire, Israilov avait entendu son chef donner l'ordre d'éliminer physiquement des gens. Et cet homme était donc un témoin gênant. C'est pourquoi, après avoir rompu avec Kadyrov, il avait fui en Autriche avec sa famille. Parce qu'il se sentait menacé. C'est évident. Et en janvier 2009, il était sur le point de porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ses assassins l'ont précédé. Israilov a été abattu à Vienne. Toutefois, l'Autriche est un pays démocratique. Mais vous voulez dire, là, pas tout à fait comme la Tchétchénie ou la Russie. C'était implicite. Donc, la police a effectué normalement son travail. Et en avril 2010, coup de théâtre, l'enquête de la police viennoise conclut à la complicité de Kadyrov dans l'assassinat d'Oumar Israilov. Et les exécutants, munis de passeports, de visas Schengen, sont même identifiés. On apprend ainsi que l'un d'eux, un nommé Lechi Bogatyrov, dirige une unité du ministère de l'Intérieur à Grozny. D'où la complicité de Kadyrov. Bien sûr, mais naturellement, Moscou a rejeté les demandes de coopération que lui a adressées la police autrichienne. Ouais. Ce Bogatyrov, alors, n'a donc pas été inquiété. Mais l'affaire Oumar Israilov a eu une autre conséquence. Le père de cet ancien garde du corps de Kadyrov a été arrêté aussitôt après la fuite de son fils. On voulait qu'il le révèle où celui-ci s'était réfugié. Le vieil homme a été frappé, torturé, mais il n'a rien dit. Au bout de 11 mois de détention, il a fini par être relâché. Mais lui aussi a tout de suite préféré quitter la Tchétchénie. Aujourd'hui, il accuse la police autrichienne de n'avoir pas tenu compte des alertes d'Oumar, qui avait reçu de nombreuses menaces de mort à Vienne. Donc la police n'avait pas protégé son fils. Et en même temps, il a révélé qu'il existait à Grozny un service de renseignement paramilitaire qui avait pour objectif d'espionner, le cas échéant, d'éliminer physiquement des opposants réfugiés à l'étranger. Alors, la suite, quelques mois après la liquidation d'Israilov, en juillet 2009, Natalia Estemirova est assassinée. C'était à l'égal d'Anna Politkovskaya, une personnalité connue en Russie. Oui, parce qu'elle était responsable du département Tchétchénie de l'ONG russe Mémorial. Oui, c'est une organisation de défense des droits de l'homme qui avait d'abord dénoncé les crimes du régime soviétique. Estemirova, comme Politkovskaya, était la bête noire du pouvoir tchétchène. Et Kadyrov l'avait personnellement menacée lors d'une rencontre. Parenthèse. Jonathan Little, que j'ai déjà cité, a évoqué cette entrevue entre la défenseuse des droits de l'homme et le dictateur. Je le cite brièvement. Il lui avait lancé que les cheveux nus l'excitaient. Est-ce qu'elle voulait l'exciter ? Si oui, alors elle n'était qu'une pute, pas une femme. Puis il lui avait dit, d'après Mémorial, oui. Mes mains sont en effet couvertes de sang et je n'en ai pas honte. J'ai tué et je continuerai à tuer les gens mauvais. Nous nous battons contre les ennemis de la République. D'après ce que l'on a pu apprendre, Natalia Estemirova a été enlevée par des hommes armés et précipitée dans une voiture. Peu après, on a retrouvé son corps dans un bois près de la frontière ingouche. Elle a été tuée de plusieurs balles dans le corps et la tête. Mmh. Y a-t-il eu une enquête, là ? Oui, mais dans un pays aussi verrouillé, elle ne pouvait pas aboutir. Bien au contraire. Le dirigeant de Memorial, Oleg Orlov, qui a accusé publiquement Kadyrov dès le lendemain du meurtre d'Estemirova, a été attaqué en justice et condamné pour diffamation, même s'il a été ensuite acquitté en appel. En tout cas, si l'affaire Estemirova a fait grand bruit parce qu'il s'agissait d'une personnalité connue, la plupart des exactions commises par les hommes de main de Kadyrov passent presque inaperçues. Ouais. C'est le quotidien en Tchétchénie. En effet, on ne compte plus les kidnappings et arrestations arbitraires de citoyens au nom de la prétendue lutte contre le terrorisme. Des victimes parfois choisies au hasard parce qu'il faut remplir le quota imposé par la lutte antiterroriste. Ah, c'est la politique du chiffre en somme. Exactement ça. Et comme le docteur Knock inventait des malades, les hommes de Kadyrov inventent des terroristes. Ces opérations toujours violentes sont souvent menées par des hommes masqués, sans badge ni uniforme, et qui se déplacent dans des véhicules non immatriculés. Ouais, difficile dans ces conditions de recueillir des preuves. Hein. Et je crois vous l'avoir déjà dit lorsque nous avons évoqué la situation dans le Nord-Caucase. Ces méthodes expéditives sont aussi pratiquées dans d'autres petites républiques de la région, selon l'organisation Mémorial, qui s'est réinstallée à Grozny 6 mois après l'assassinat de sa représentante, Natalia Estemirova. 3500 personnes auraient disparu en Tchétchénie depuis 2000. Ouais. Et qui sont ces hommes de main là, qui terrorisent la population ? Ah bah, ce sont des supplétifs, généralement d'anciens combattants des deux guerres de Tchétchénie, qui se sont progressivement criminalisés. Arrêtés, on leur a donné le choix. Ou on les tuait, où ils s'enroulaient dans les bandes de Kadyrov. Ouais, ils n'ont pas longtemps hésité. C'est évident, Kadyrov a donc maintenant à sa disposition une armée tchétchène constituée d'hommes dépravés qui ont été dressés à tuer ou à torturer. Et le paradoxe de la situation est qu'en s'attaquant à des civils innocents, ces bandes ne combattent pas les vrais Boeviki. Ouais, c'est-à-dire les authentiques combattants. Les hommes qui, ralliés pour la plupart à la cause islamiste, sont bien entraînés et sont cachés dans les montagnes et les forêts difficilement accessibles. Mmh. Ouais, ces supplétifs-là ne s'y frottent pas. Et préfèrent s'en prendre à des pseudo-terroristes qui n'opposent aucune résistance. Ouais, c'est-à-dire des proies faciles. Auxquelles, sous la torture, on peut faire avouer n'importe quoi. Par conséquent, on se garde bien de combattre les vrais rebelles. Et au fond, les seuls opposants à Kadyrov sont les représentants de ces ONG qui, malgré les menaces, ne cessent de dénoncer les multiples exactions commises par les sbires du régime. Et à l'étranger, il faut aussi remarquer que la Cour européenne des droits de l'homme leur vient en aide. De quelle façon ? Entre 1999 et décembre 2011, la Cour a recensé 320 cas de violations graves des droits de l'homme dans le Nord-Caucase. Près de 200 concernaient des opérations prétendument antiterroristes en Tchétchénie. Et il y avait parmi ces cas 60% de dossiers de disparition. Ouais. Bon, mais tout ça, est-ce que ça a changé quelque chose ? Dans une grande majorité de ces affaires, la Cour européenne a condamné la Russie pour assassinat, torture ou encore répression des libertés. Et vous avez raison, ça n'a rien changé, car ça n'a jamais débouché sur un procès ou une punition des coupables. Tout au plus, ces condamnations morales ont-elles apporté un réconfort psychologique aux victimes et à tous ces courageux militants des ONG ? Ouais, c'est bien peu, hein. Mmh. Mais c'est symbolique. Alors, je vous ai laissé entendre que si Poutine laissait le tyranno Kadyrov agir à sa guise en Tchétchénie, c'est qu'il voulait avant tout que cette petite république soit un modèle d'ordre et de stabilité. Une stabilité pour réaliser ses mirifiques projets dans le Caucase. Le maître du Kremlin, redevenu tout puissant après l'effacement de Medvedev, qui a sagement réintégré son fauteuil de Premier ministre, a en effet conçu un projet touristique pharaonique dans cette région montagneuse. Ouais. Le tourisme, donc. Hein. Vous voulez parler de stations de port d'hiver. C'est ça, et ce projet, nom de code PIC 5642. Ouais, ça veut dire C'est une référence au sommet le plus haut du Caucase, l'Elbrouz. Donc ce projet est à mettre en relation avec les prochains Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu à Sotchi. Ville balnéaire de la mer Noire appuyée sur le flanc nord-est du Caucase. Ouais. Ça sera pour 2014. Oui, hein. Oui. Au sommet de Davos, de janvier 2011, la Russie a donc présenté ce gigantesque projet. Un vrai plan Marshall pour le Caucase, selon l'expression d'une de vos consoeurs. 11 milliards d'euros doivent être investis afin d'édifier de toutes pièces 10 stations de ski. On va donc dessiner des pistes, mais surtout construire des hôtels, des restaurants et toute une série d'infrastructures. Autant vous dire que les oligarques russes se frottent les mains. Il y en aura pour tout le monde. Mais le littoral n'est pas non plus oublié. Autant celui de la Caspienne, qui est encore vierge, que celui de la mer Noire. Autant vous dire que la petite Abkhazie arrachée à la Géorgie, qui est devenue un protectorat russe, n'est pas prêt de retourner dans le giron de Tbilissi. Mais est-ce que Poutine, avec cet incroyable développement touristique, entend faire cesser la violence dans le Nord-Caucase ? C'est sans doute ce qu'il espère, mais ce n'est pas gagné. Les terroristes ne se laisseront pas aussi facilement acheter. Et pourtant, si Poutine veut réussir ces Jeux olympiques, il devra bien sécuriser la région. Mais j'allais oublier un dernier détail. Figurez-vous que nous, Français, sommes associés à ce projet. Expliquez, là. Notre caisse des dépôts y a investi 5 millions d'euros. C'est une picadille à côté de l'investissement global. Mais un investissement dont on peut critiquer la pertinence. Mais que voulez-vous ? Sarkozy, quand il a rencontré Poutine en mai 2011, a voulu lui faire plaisir. Deux autres livres pour aller plus loin. D'abord, un recueil des articles d'Anna Politkovskaya, « Qu'ai-je fait ?» Puis un ouvrage de Zoya Stetova, « Les innocents seront coupables, comment la justice est manipulée en Russie ». Des livres dont vous trouverez les références sur franceinter.fr. À samedi prochain, merci à Rebecca Denande qui a préparé cette émission, à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Djou pour ses notes de musique. Et tout de suite après le flash show de Mon amour de Denis Chessou.